Et, le regardant toujours, ses yeux se remplirent de larmes qui tombèrent sur ses joues, tandis qu'elle souriait, d'une manière bien étrange. « Ah, mon Dieu !» s'écria Landry, en la prenant dans ses bras. « Si je pouvais m'être trompé !»« Moi, je crois bien que tu t'es trompé, en effet, » répondit la petite Fadette, toujours souriante et pleurant. « Je crois bien que depuis l'âge de 13 ans, le pauvre Grelet a remarqué Landry et n'en a jamais regardé d'autre. Je crois bien que quand elle le suivait par les champs et par les chemins, en lui disant des folies et taquineries, pour le forcer à s'occuper d'elle, elle ne savait point encore ce qu'elle faisait, ni ce qui la poussait vers lui. Je crois bien que quand elle s'est mise un jour à la recherche de Sylvinet, sachant que Landry était dans la peine, et qu'elle l'a trouvé au bord de la rivière, tout pensif, avec un petit agneau sur ses genoux, elle a fait un peu la sorcière avec Landry, afin que Landry fût forcé à lui en avoir de la reconnaissance. Je crois bien que quand elle l'a injurié au gué des roulettes, c'est parce qu'elle avait du dépit et du chagrin de ce qu'il n'y avait jamais parlé depuis. Je crois bien que quand elle a voulu danser avec lui, c'est parce qu'elle était folle de lui et qu'elle espérait lui plaire par sa jolie danse. Je crois bien que quand elle pleurait dans la carrière du chaumois, c'était pour le repentir et la peine de lui avoir déplu. Je crois bien aussi que quand il voulait l'embrasser et qu'elle s'y refusait, quand il lui parlait d'amour et qu'elle lui répondait en paroles d'amitié, c'était par la crainte qu'elle avait de perdre cet amour-là en le contentant trop vite. Enfin, je crois que si elle s'en va en se déchirant le cœur, c'est par l'espérance qu'elle a de revenir digne de lui dans l'esprit de tout le monde et de pouvoir être sa femme, sans désoler et sans humilier sa famille. Cette fois, Landry crut qu'il deviendrait tout à fait fou. Il riait, il criait, il pleurait. Il embrassait Fanchon sur ses mains, sur sa robe, et l'eût embrassé sur ses pieds si elle avait voulu lui souffrir. Mais elle le releva et donna un vrai baiser d'amour dont il faillit mourir. Mais c'était le premier qu'il eût jamais reçu d'elle, ni d'aucune autre, et du temps qu'il en tombait comme pâmé sur le bord du chemin, elle ramassa son paquet, toute rouge et confuse qu'elle était, et se sauva en lui demandant de la suivre et en lui jurant qu'elle reviendrait.